devant toi, aveuglé par ta fierté. Ne retiens pas ton corps, il veut danser. C'est le son qui résonne, résonne. Efficace, pas besoin d'en faire des tonnes, des tonnes. Un sample que tu fredonnes, fredonnes. Bouge tes épaules et vas-y, déconne, déconne bien. Avant tout, fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. C'est yeah yeah yeah. C'est yeah yeah yeah. C'est yeah yeah yeah. Sur un truc bête. Ça c'est le genre de mélodie qui te rentre bien dans la tête. Je vois déjà faire comme si tu étais à tes fesses comme un poney, poney. Jim me fait twerker le poulet, poulet. Sur un sample que tu connais, connais. Bouge tes épaules et vas-y déconne, déconne bien. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. C'est ça. Vas-y, exprime-toi. C'est ça. Vas-y, exprime-toi. C'est ça. Vas-y, exprime-toi. C'est ça. Mais avant tout, fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. Mais fais bouger la tête. C'est yeah yeah yeah. C'est yeah yeah yeah. C'est yeah yeah yeah. Sur un truc bête. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. Dis-le que tu te sens bien. C'est ça. Vas-y, exprime-toi. C'est ça. Toi. C'est ça. Vas-y, exprime-toi. C'est ça. Mais avant tout, va.